France Inter.fr. Comme à chaque étape, vous serez emporté par le flot puissant de l'histoire. La marche de l'histoire. Jean Lebrun. Moscou, 1919-1920, année terrible. La révolution m'intéressait, je trouvais qu'elle avait raison, en fait la justice était du côté des Russes. Je suis resté à Moscou. Pour la révolution soviétique, les frontières n'ont pas de sens, sont accueillies dans le combat internationaliste des camarades de toute nationalité. Vous allez entendre dans cette émission, d'une forme un peu exceptionnelle, les témoignages enregistrés en 1966-1967 de deux Français. Pierre Pascal était officier en mission. Il passe du côté bolchevique, on l'a entendu il y a un instant. Suzanne Giraud, on l'a entendu vendredi dernier, avait été préceptrice dans des familles russes privilégiées. Elle est maintenant révolutionnaire à temps complet. Tous deux décrivent une période de fer, d'extrême misère. C'est le communisme de guerre. On le présente encore souvent comme la conséquence inéluctable de la guerre civile menée par les contre-révolutionnaires, les Blancs, et par les alliés vainqueurs de 1918 qui ne reconnaissent pas les soviets. C'est négliger la logique de terreur rouge choisie volontairement par les bolcheviks, développement exponentiel de la police politique, la Tchéka, création dès le début 1919 des premiers camps de concentration. Nos deux témoins, Pierre Pascal et Suzanne Giraud, analyseront plus tard de façon très différente la période. Elle choisira de rester communiste contre vents et marées. Pierre Pascal larguera les amarres sans se renier. Au-delà de ces différences à venir, ce qui les réunit en cette année décisive aux bolcheviks de la première heure, c'est, vous allez l'entendre, la détermination égalitaire qui passait par la pauvreté, voire l'obéissance volontaire. Camarades de l'armée rouge, les capitalistes d'Amérique, d'Angleterre, de France et d'Autriche font la guerre contre la Russie. Ils aident les contre-révolutionnaires russes avec de l'argent, avec du matériel militaire. Leurs armées viennent de Sibérie, du Don et du Caucase. Ils veulent rétablir le pouvoir du tsar, des capitalistes, des propriétaires terriens. Non, il n'en sera rien. L'armée rouge est imbattable. Elle a uni des millions de paysans et d'ouvriers qui ont appris à se battre et ils ont appris la discipline. Ils ne perdent pas le moral, ils surmontent les revers, ils s'endurcissent dans les combats. Ils se battent vaillamment contre l'ennemi en sachant que sa défaite est proche. Lénine se félicite donc du caractère international que prend la révolution après l'armistice du 11 novembre 1918. Un moment, le drapeau rouge va même flotter sur le sommet de la cathédrale de Strasbourg. Et à Moscou sont accueillis avec beaucoup d'égards les délégations internationales qui peuvent y parvenir, tandis que les bolcheviks lancent des appels aux ressortissants étrangers qui se trouvent sur leur territoire afin qu'ils les rejoignent. Suzanne Giraud. Avec l'arrivée de Guilbault, Paris-Janine, qui ont séjourné, qui ne sont pas venus simplement en délégation, mais qui ont séjourné, Rosmer aussi. Et puis alors, les officiers de la mission française qui s'étaient ralliés à la Révolution, Jacques Sadoul, Petit, Pascal. J'ai décidé alors de rester parce que la Révolution m'intéressait. Je trouvais qu'elle avait raison, en fait la justice était du côté des Russes. Et je suis resté, il y a eu un petit moment difficile quand j'ai été appelé par le commandant de la mission, qui n'était plus le général Laverne, qui était parti déjà à ce moment-là, qui était un homme beaucoup moins intelligent, qui m'a menacé. Il avait son revolver sur la table, bien en vue. Rien ne s'est passé, sinon je suis resté à Moscou. C'était en 19. Et à ce moment-là, on a vu se former un peu partout des groupes communistes, des partis communistes, des socialistes de gauche qui se sont ralliés à la Révolution. Et c'est ainsi que les délégations sont arrivées au début de mars 1919 et qu'a eu lieu le premier congrès international où étaient déjà représentés 30 pays et où a été constituée l'Internationale communiste en 1919. À cette occasion est arrivée la délégation italienne. Alors je tiens à souligner la façon dont elle est arrivée. Il me semble me souvenir qu'à la tête de cette délégation, c'était Nenni. La délégation italienne est arrivée avec un train de ravitaillement, tenant compte de la situation en Union soviétique. Les ouvriers italiens se sont cotisés. Ils ont ouvert une souscription, ils ont recueilli des dons et ils ont fait cadeau au départ de la délégation d'un train de ravitaillement. Et cette délégation italienne est arrivée. Évidemment, elle avait tout ce qu'il lui fallait. Par conséquent, vraiment, elle a vécu sur ses propres provisions. Mais n'ont pas tout mangé. À leur départ, eh bien, ils ont tout laissé. Tout ce qu'ils avaient amené, ils l'ont laissé. Et alors, je vais faire la différence avec la délégation française. Et s'ils en vivent encore, tant pis pour eux. Je ne dirai pas de nom. Eux sont arrivés aussi avec des provisions. Mais chacun individuellement. Et tous les jours, ils mangeaient ce que les Soviétiques avaient pu rassembler. Et je vous assure, certainement que le gouvernement soviétique, je ne l'affirmerai pas, mais devait avoir fait des réquisitions pour les nourrir. Et ensuite, ils rentraient dans leur chambre, je parle des Français. Ils complétaient le repas soviétique par les provisions qu'ils avaient apportées. Et quand ils sont repartis, il leur en restait, ils ont emmené leurs provisions. Elle n'était pas très beau. Quand Suzanne Giraud est enregistrée, rappelons-le, en 1966, par un confrère, hélas, anonyme, les deux principaux dirigeants de la délégation sont déjà morts depuis longtemps, Ludovic Oscar Frossard et Marcel Cachin. On laissera les autres dans un heureux anonymat. Enfin, la responsabilité des difficultés de ravitaillement incombe plus largement aux lois agraires du printemps 1918, à la guerre menée dans les villages contre les koulaks, les paysans riches, et aussi à la décision déjà prise de construire une agriculture collective gérée par l'État. Ça ne facilite pas les réquisitions. On en était venu, se souvient Pierre Pascal, au micro de Georges Niva, en 1967, à se saluer ainsi en 1919. « Cac, vous juviotiez. Comment vous êtes encore vivant ?» C'était un peu la phrase qui était de mise à l'époque. On avait beaucoup de peine à se maintenir en vie. Parlons pas du typhus qui courait les rues, naturellement, des marchés, où ceux qui avaient quelque chose à vendre vendaient, ce n'était pas le cas de tout le monde. On touchait cette ration d'un huitième de livre de pain noir. On avait des pommes de terre, on les mettait à toutes les sauces, si on peut dire, on faisait tout avec ces pommes de terre. C'est à l'époque où on avait du thé de carottes. Les fans des carottes servaient à fournir une espèce de thé qui ne ressemblait guère. On arrivait à se nourrir tant bien que mal, mais plutôt mal. Mais armé d'une volonté inchangée d'abolir la propriété foncière, l'héritage, voire un moment l'argent, Lénine continue de dire « Tenez bon, camarades, face à l'ennemi, le pouvoir des capitalistes et des propriétaires se défait. » La famine existait partout et nous avons eu une période où nous n'avions vraiment plus rien, parce que quand le général Moulins, qui représentait la France encore pendant la guerre, s'est retiré, il a eu soin de constituer immédiatement une armée contre-révolutionnaire. C'est du reste la raison pour laquelle certains de ses officiers ne l'ont pas suivi. Et il a littéralement affamé Moscou. Nous n'avions absolument plus rien. Mais un jour, on nous a distribué, on nous a fait une petite distribution de pommes de terre. Et quelques jours après, on nous a fait une petite distribution d'huile de ricin. Et nous avons mangé les pommes de terre à l'huile de ricin. Et vous ne pouvez pas vous imaginer comme nous avons trouvé que c'était excellent. Il nous semblait que nous mangions des gâteaux. Et malgré cette misère terrible, eh bien, le peuple conservait une confiance absolue dans Lénine en particulier et en général dans les membres du parti bolchevique. Dans quelles circonstances avez-vous rencontré Lénine face à face ? Face à face, c'était dans la cour du Kremlin. J'étais avec Sadoul. C'était au plus mauvais moment, 1919. Le pouvoir soviétique était menacé de tous les côtés, de l'extérieur et de l'intérieur. Donc en grand danger. Sadoul a dû dire à Lénine quelque chose dans ce goût-là. À quoi Lénine, oui ? Oui, nous sommes dans une triste situation. Et son petit bedon, n'est-ce pas, qui s'agitait assez joyeusement. Et je comprends maintenant, c'est que Lénine était tout à fait assuré qu'il s'en tirerait. Il savait, il avait pesé le pour et le contre, et il était tranquille. La première conférence de paysannes à Moscou, on leur a fait un petit rapport pour leur expliquer pourquoi on les avait réunis et pour qu'elles expriment leurs désirs, enfin, expriment leurs opinions. Lénine était dans le fond de la salle, comme toujours, ne se faisant pas remarquer. Personne ne le connaissait. La conférence se déroulait. Après le petit exposé qui avait été fait, on a demandé si quelqu'un voulait la parole. Alors, il y a une des paysannes qui a dit « Moi, je veux la parole ». Elle est montée à la tribune, et puis retirant de son pied les valinki qu'elle avait encore au pied, elle l'a brandie, puis elle dit « Ça, un gouvernement ouvrier et paysan, et c'est ça que nous portons encore, que nous avons pour nous chausser ?» Ah non alors. Les valinki, c'était des chaussures faites avec du feutre. En hiver, pendant les grands froids, c'est très très bien, mais quand il y avait la fonte des neiges, je vous assure que ça n'était pas agréable. Évidemment, il n'y avait pas de chaussures à leur distribuer. Mais enfin, elles considéraient que pour un gouvernement ouvrier et paysan, eh bien, elles étaient mal chaussées. Et je t'injure. Elle a une autre, après. Elle dit ça, un gouvernement ouvrier et paysan, et on n'a pas encore de crèche. On est encore obligé de traîner nos gosses dans les champs quand on va travailler. Et toute la conférence a continué comme cela. Hein. Elles sont défilées les unes après les autres à la tribune, en critiquant, en injuriant même le gouvernement soviétique. Enfin, ça s'est terminé, elles ont voté une résolution, qu'elles voulaient ceci, qu'elles voulaient cela, qu'elles exigeaient du gouvernement soviétique, enfin tout ça. Et Lénine, dans le fond, écoutait. Quand la salle a été vide, Lénine était radieux. Puis vous les avez entendus. Vous les avez entendus, ces paysannes. Il n'y a pas longtemps encore qu'elles se considéraient moins qu'une vache. La perte d'une vache, ça c'était une perte, mais la perte d'une femme, c'était rien. Vous les avez entendus aujourd'hui exiger, réclamer du gouvernement. Elles ont pris conscience de leur personnalité, de leurs droits. Et par conséquent, si jamais un jour nous disparaissons, jamais plus l'ancien régime ne pourra se rétablir. C'est fini, les paysannes n'en veulent plus. Suzanne Giraud, tout à l'heure Pierre Pascal. Au fond, les deux témoignages concordent. Lénine est cohérent, il aime les dangers extrêmes et les conflits inexpliables. Il arrive même qu'il en provoque ainsi avec les koulaks et une bonne partie des villages, alors que les paysans constituent 80% de la population du pays. Ceux-ci, non seulement ne gagnent pas de nouvelles chaussures, mais ils perdent leur épargne et les terres détenues à titre privé. Peut-être le ravissement de Lénine, autre interprétation que celle de Suzanne Giraud, tient aussi au fait que les protestations des paysans et des paysannes prouvent leur caractère contre-révolutionnaire fondamental. Thank you. La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter. La symphonie numéro 2, la symphonie d'octobre de Chostakovitch, ici dirigée par Rostropovitch, qui a été composée pour l'anniversaire de la prise du pouvoir par les bolcheviks. Nos deux témoins que nous entendons aujourd'hui pour évoquer le Moscou des années terribles 1919-1920 sont deux Français qui ont choisi le camp bolchevique. Pierre Pascal, qui était célibataire, Suzanne Giraud, qui avait charge de famille. Ma fille, un jour, elle me dit, ce matin, en faisant le lit de papa, j'ai trouvé un pou sous son oreiller. Alors, je vais expliquer d'où pouvait venir ce pou. Mon fils, pour les jeunesses communistes, souvent prenait le train et partait dans les environs de Moscou. Or, les trains pullulaient de poux et de vermine, de toutes sortes. Et l'Union soviétique, à ce moment-là, et Moscou, n'avaient aucune possibilité de désinfecter. Si bien que quand mon fils rentrait, il était entendu qu'il sonnait d'une certaine façon, qu'il se déshabillait sur le palier, qu'on mettait immédiatement tout son linge dans l'eau bouillante et qu'il ne rentrait qu'après s'être habillé, avoir changé de linge. Il a apporté un pou, et un pou typhique. Ils ne le sont pas tous. Et il a fallu que ce soit ma fille qui allait de la maison au conservatoire, qui ne sortait pour ainsi dire pas, donc ne semblait pas devoir être victime d'une épidémie quelconque, soit piquée par ce pou. Elle commence à partir de ce jour-là à se plaindre qu'elle n'est pas bien. Il y avait un médecin dans la maison, je la conduis, il examine, la questionne. C'est ce que je pensais, là, le typhus, on va l'emmener immédiatement. On l'a immédiatement transporté à l'hôpital. Un hôpital qui était plein de malades typhiques, c'était horrible, horrible. Le typhus, le choléra, la peste, étaient à l'état endémique en Russie tsariste. Et quand les populations étaient atteintes, personne ne s'occupait d'elles, on les laissait mourir comme ça. Ça n'a pas été le cas pour le gouvernement soviétique. Le typhus s'était déclenché dans une région au-delà de la Volga. Alors des médecins et des infirmières sont partis là-bas pour soigner les typhiques. Et puis le typhus n'a pas suffi, le choléra s'est déclenché. Alors le choléra présentait un danger inouï pour toute la Russie centrale. Des mesures d'urgence ont été prises. Interdiction à qui que ce soit de traverser la ligne pour revenir en Russie centrale. Et ordre donné aux soldats qui voudraient passer de tirer. Toute la population y a passé, tous les médecins, toutes les infirmières. Nous étions dans un état. Je raconte ça, ils sont. Sans que ce sont des choses que l'on peut vivre. Quand on pense à toute cette population, et surtout à nos médecins, nos infirmières qui étaient partis là-bas, qui mouraient contre lesquelles on ne pouvait rien faire, ce n'était pas possible, sinon c'était le choléra de toute la Russie. Au-dessus de cette terrible misère de masse, le groupe dirigeant, la glorification de Lénine, commence à peine à poindre. L'occasion en a été, fin 18, l'attentat dont il a été victime, mais lui-même se conçoit comme un parmi plusieurs. Et il délègue beaucoup à plusieurs camarades de son premier cercle que Pierre Pascal a approché de près. C'était le grand talent de Lénine de placer les hommes à la place qui leur convenait. Il n'avait pas grande estime de Lunacharsky, mais à cette place-là, il pouvait rendre de grands services. Et il y a mis. Boukharine, c'était tout à fait l'opposé de Lunacharsky. Alors c'était le bolchevique tout à fait pur. On l'appelait le cristal du bolchevisme. Parce qu'il n'avait pas d'ambition politique. C'était un théoricien, solide comme théoricien, mais qui avait été moins bien inspiré quand il mettait le nez dans la politique. C'était d'ailleurs l'opinion que Lénine avait de lui. Il s'est trouvé en contradiction avec Lénine à plusieurs reprises, au moment de la paix de Brest-Litovsk, par exemple. Lénine disait « Il faut conclure cette paix, c'est une paix honteuse tant que vous voulez, mais il faut la conclure parce que nous ne pouvons pas faire autrement. Nous sommes perdus si nous ne concluons pas la paix. » Boukharine, au contraire, était pour la guerre révolutionnaire, sans bien examiner dans les faits si la chose était possible. Avez-vous rencontré Zinoviev et Kamenev ? Zinoviev était à Leningrad, président du Soviet. C'était un vieux camarade de Lénine. C'était un homme adipeux, mais pas très plaisant à voir ni à entendre. Un vieux bolchevique, il était une sorte de podestat de Leningrad. Au moment de la révolte de Kronstadt, quand il y a eu une grève, plusieurs grèves assez fortes des ouvriers de Leningrad, il a résolu la question en ordonnant des distributions de vivres abondantes aussitôt. Il n'était pas très aimé, pas très estimé, mais enfin il tenait dans des mains assez fermes, assez adroites, sa ville, son fief. Tchétchérine, lui, je l'ai vraiment connu. Il ne pouvait pas souffrir Trotsky, il trouvait Trotsky trop militaire. Il était au contraire très bien avec Lénine. La discussion entre Lénine et Trotsky s'est toujours déroulée au grand jour. Tout ce que Trotsky écrivait était publié. Et tout le monde pouvait lire ce qu'écrivait Trotsky. Lénine répondait. La discussion était vraiment publique. Tout le monde pouvait participer et se faire une idée. Et j'ai assisté personnellement avec mon fils à une discussion entre Lénine et Trotsky au théâtre du Grand Bolchoï, archibondé. Et non pas seulement de communistes, non, non. C'était ouvert, c'était public. Et Trotsky a pris la parole, a développé son point de vue. Lénine lui a répondu et tout le monde pouvait juger et prendre position. En général, toutes les discussions étaient toujours publiques. Dans les usines, les ouvriers étaient mis au courant, avaient entre les mains tout ce qu'il fallait pour discuter de tous les problèmes. Et vraiment, si les ouvriers, si le peuple soviétique ont suivi Lénine comme ils l'ont suivi, c'est parce que vraiment, ils comprenaient qu'il avait raison et que ses solutions étaient les bonnes. Le débat entre les deux leaders, il est ancien, peut-être public, il est quand même rarement simultané. Lénine vit le plus souvent enfermé, protégé au Kremlin, tandis que Trotsky court le pays dans son train blindé pour régénérer sans cesse l'armée rouge. Et quand on passe de 1919 à 1920, il commence à recueillir les premiers fruits de son action. Ainsi, en Ukraine, que Suzanne Giraud avait dû fuir en août 19, le général blanc Denikine est par exemple contraint d'évacuer Kiev en décembre. En février 1920, les Blancs sont expulsés d'Ukraine. Suzanne Giraud ne retournera pas en Ukraine. La dernière mission qui l'attend dans la jeune Union soviétique la renvoie en fait en France. En 1921, l'été 1921 s'est abattu sur l'Union soviétique. Une sécheresse épouvantable. Alors des populations entières mouraient de faim. Ça arrivait assez périodiquement sous le tsarisme. Les gens mouraient, ben ils mouraient, mais il en restait toujours assez. Mais pour le gouvernement soviétique, la question ne s'est pas posée de cette façon-là. Il a fait appel à l'aide des travailleurs du monde entier. Et c'est ainsi que la direction de l'International communiste m'a envoyé en France, fin 21, pour recueillir ici les fonds, acheter des vivres, les expédier là-bas pour venir en aide à ces populations qui souffraient de la famine. Le voyage que j'ai fait, je l'ai fait avec Rosmer et Marguerite Thévenet, qui rentraient en France, nous avons fait le voyage ensemble. Nous sommes arrivés à Paris, avec Rosmer, Marguerite Thévenet. Et puis là, eh bien, on s'est mis au travail avec les camarades français. Nous avons recueilli des dons, des fonds, beaucoup même. J'ai eu l'occasion d'aller en Allemagne, où les ouvriers allemands avaient demandé à ce qu'on aille chercher les fonds qu'ils avaient recueillis. Et nous avons pu affréter un bateau de provisions et envoyer un train. Le bateau est parti de Marseille. Et dès qu'il a eu quitté le port, il a coulé. Et ça, c'était dû à la trahison. Un agent double qui s'était occupé tout le temps du ravitaillement, qui le recevait, qui s'était occupé de ce bateau et qui ensuite l'a fait couler. Quant au train, il est parti, accompagné de nos camarades. Ils sont allés là-bas sur place distribuer les vivres qu'ils avaient apportés. Quand ils sont venus, ils nous ont raconté le spectacle. Le spectacle épouvantable qu'ils avaient vu. Ils entraient dans les ISBAP avec des vivres, ils trouvaient des familles entières mortes de faim, décharnées, complètement des cadavres, décharnées, quelque chose d'épouvantable. Mais enfin, ce train était arrivé. Puis alors, il y a eu de l'aide qui sont arrivées. Je ne sais pas ce que les Italiens ont fait, mais je suppose que les Italiens, avec l'esprit de solidarité qu'ils avaient, avaient dû envoyer aussi. Et je sais que d'Allemagne était parti beaucoup de vivres aussi. Un bateau qui coule. Jamais Suzanne Giraud ne désespère. Il y a toujours un train qui part. Elle va devenir quasiment le numéro un du micro-parti communiste français de l'époque au milieu des années 1920. Elle sera exclue pour trotskisme. Un comble, eh bien, elle frappera à la porte, elle sera réintégrée, mais à la base, après une belle résistance, elle sera désignée par le parti comme sénateur de la Seine pendant toute la 4e République, et l'URSS la décorera de l'ordre du drapeau rouge. Pierre Pascal, lui, quittera l'URSS 10 ans plus tard seulement. Est-ce parce qu'il en a vu beaucoup plus qu'il se séparera définitivement de la mouvance communiste au milieu des années 1930. Il deviendra professeur d'études russes à la Sorbonne et à ce titre, il formera quantité de générations d'étudiants slavisants. Il finira par basculer du côté de Solzhenitsyn. Le juste, ce juste qui est l'idéal en somme du peuple russe dans sa meilleure portion. On le trouve chez Solzhenitsyn, par conséquent on peut bien croire qu'il existe encore. On le trouve dans la vieille femme de la maison de Matryona. On le trouve dans la femme docteur du pavillon des cancéreux. Et alors justement, ceux que j'aime, ce sont les gens qui font leur métier, sans bruit, modestement, dévoués à leur tâche, qui faisaient d'excellents travail, dévoués, sans gagner beaucoup, sans recevoir des honneurs extraordinaires, qui faisaient jour par jour ce qu'ils avaient à faire et qui ont joué un rôle immense dans les progrès de la Russie, dans les grands progrès que la Russie a accomplis à la fin du 19e siècle et au début du 20e. Demain, cette fois, nous parlerons des Russes qui, après la guerre civile, émigrent en France et ils sont nombreux. L'émission a été préparée par Franck Olivard, à la technique Florent Layani, la réalisation Jacques Sigal.